Mais oui, c'est un classique de l'accordéon. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre, de l'écouter à nouveau. Ça fait du bien. Ah oui, alors ça fait du bien. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. <t'-> Pour des raisons techniques, vos dédicaces doivent impérativement nous parvenir au plus tard le jeudi avant 10h pour une diffusion le dimanche suivant. Merci de votre compréhension. Thank you. le dimanche, mais aussi le mardi, sur votre radio locale Sorgia FM, de l'accordéon et encore de l'accordéon. Le Musette est bien présent sur le 91 et sur le 102.5 pour votre plaisir, mais aussi pour notre plaisir. Un bon moment à partager ensemble. Ce tango-là va vous rappeler des bons souvenirs, les souvenirs dans lesquels vous étiez sur le plancher des vaches. Et oui, ça c'était le bon temps. Qu'est-ce que ça fait du bien de se rappeler de tout ça. je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Ah, ne vous en faites pas, vous en aurez d'autres, parce que sur le 91, c'est pas fini. Thank you. Eh bien voilà, c'est déjà fini. La première partie de cette émission accordéon, eh bien, est terminée. Mais pour autant, sur Sorgé FM, rien n'est fini. La variété continue. Et c'est avec deux dédicaces que l'on commence la deuxième partie de ce dimanche, que vous pouvez d'ailleurs retrouver également et écouter le mardi. On l'appelle la mamie du Sorgé à rue Antoine Favre. Et pour son plaisir personnel, on écoute Jean Ferrat dans Ma France et tout de suite après Pour ne pas vivre seul de Dalida. De plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Pour le prochain printemps, pour ne pas vivre. seul pour ne pas vivre seul. Des filles aiment des filles, elle envoie des garçons épouser des garçons pour ne pas vivre seul. D'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants, pour ne pas vivre seul. On fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile, pour ne pas vivre seul. Je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Qu'on vienne les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. On continue avec Salvatore Adamo, Je te dois. Je te dois pour cet amour un peu triste au fond de toi, que tu gardes et qui résiste malgré moi. Je te dois des jardins entiers de roses et de lilas. Je te dois pour avoir cru mes promesses les plus folles, pour avoir misé ta vie sur mes paroles. Je te dois pour tes plus beaux rêves sacrifiés pour moi. Moi, toujours moi, moi qui prenais tous les droits. Et je te dois pour tes nuits de solitude et de grand froid, toutes les perles de l'aurore, les étoiles et plus encore. Je te les dois. Je te dois pour m'avoir suivi au bout de mes délires, me donnant tout ton meilleur contre mon pire. Je te dois pour m'avoir applaudi dans mon cinéma, quand l'artiste se prenait pour la diva. Je te dois parce que tu m'as voulu libre de mes choix. Je te dois en chapelet, en litanie, en cantique, en symphonie. Mea culpa, mea culpa. J'étais sur mon nuage avec toi, loin de toi, inconscient du naufrage où tu sombrais pas moi. J't'aimais tout haut, j't'aimais mal, mais je trouvais tout normal. Tu donnais, c'est pourquoi avant que l'indifférence ne s'installe. Dans tes yeux couvrit encore un soleil pâle. Je te dois, parce que tu es là pour ma dernière escale. Les photos, les projecteurs, les médailles et les honneurs, je te les dois, je te les dois, je te dois. Pour l'enfant qui nous sourit toute innocence, pour la vie qui refleurit comme la chance, je te dois. Pour la place dans ton cœur que je prends comme un voleur, pour tout ça, le bail est dûment signé, tout l'amour du monde entier, je te le dois, je te le dois. Les causes perdues, c'est une très très très belle œuvre de Bernard Lavilliers. Tu ne verras plus ceux qui luttaient ensemble, disparus, les journées se ressemblent. Tous ces hommes sans femme, des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Parti si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez vos idées, vos visages guerroyés, les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les. Portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille. Coudes serrés pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta foi. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues, solidaires et marginales, ça fait sourire un peu mal. Lucha por tu raza y por tu gente, y tú verás, dale. l'orchestre. Vivre sans amour? Ça, c'est de la question. Céline Dion nous donne peut-être la réponse. L'amour est le pire des fléaux. Il change l'allure, truque les mots. C'est pire qu'un lavage de cerveau. Comme l'oasis dans le désert, il nous attire, il cherche à plaire, pour nous faire plonger en enfer. L'amour n'a aucune morale, c'est un criminel en cavale. Mais qui peut dire qu'il peut vivre sans amour? Qui peut faire comme s'il n'en voulait pas? Qui? Mais qui peut dire que ça ne lui fait rien l'amour? Qui? Il torture, il foudre, nous cloue les bras en croix. Mais qui peut dire? L'amour fait tout le sale boulot, jette les âmes pures dans les cachots, brise les princesses dans les châteaux. Il n'y a jamais de drapeau blanc, pas d'armistice, pas de printemps. C'est la guerre quand l'amour vous prend. L'amour ou les champs de bataille, c'est du poison dans les entrailles. Mais qui peut dire qu'il peut vivre sans amour? Qui peut faire comme s'il n'en voulait pas? Qui? Mais qui peut dire que ça ne lui fait rien l'amour? Qui? Dire qu'il peut vivre sans amour? Qui? Charles Aznavour, le grand Charles, donne tes 16 ans. Viens, donne tes 16 ans au bonheur qui prend forme pour que ton corps d'enfant peu à peu se transforme. Viens, n'hésite pas, mets ta main dans ma main simplement et donne tes 16 ans. Donne tes 16 ans aux amours éternels, c'est le plus beau printemps de la vie qui t'appelle. Viens, au creux de moi, mets ta joue sur ma joue tendrement et donne tes 16 ans. Un jour, lorsque la vie aura fané nos jours, un jour, nous penserons qu'il fut bien court, le printemps des amours. Viens, donne tes 16 ans à ta fureur de vivre, le chemin des amants est le seul qu'il faut suivre. Viens, donne ton cœur, mon amour, à l'amour qui attend pour prendre tes 16 ans. Donne tes 16 ans, donne tes 16 ans. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et c'est vrai que parfois, il faut laisser le temps au temps. Eh bien, Didier Barbelivien, lui, va nous l'interpréter. Faut laisser le temps au temps, et nos amours auraient 15 ans, et nos pères seraient nos enfants, les nôtres seraient encore vivants. Il faut laisser le temps au temps, et elle m'aurait aimé sûrement, quand nous étions deux étudiants. Deux oiseaux sur le fil du vent. Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser passer les nuits, les jours, les années. Il faut laisser le temps au temps pour que Vincent ait du talent, que Jimmy devienne un géant, l'histoire pour faire un président. Il faut laisser le temps au temps, et elle m'aurait vu autrement que ce poète indifférent. À ses yeux qui me disaient tant. Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser passer les nuits, les jours, les années. Il faut laisser danser. œuvres couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser passer les nuits, les jours, les années. Il faut laisser danser nos vies, nos rêves, nos idées. Il faut laisser tomber la pluie, les matins d'été. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser passer les nuits, les jours, les années. Il faut laisser danser nos vies, nos rêves, nos idées. Georges Moustaki nous parle du temps aussi, mais lui, il nous parle du temps de vivre. Nous prendrons le temps de vivre. D'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens. Je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens. Je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. Mon amour sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Ginette Reno, franco-canadienne, la dernière valse. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul sans amour. Hélène Segarra, l'amour est un soleil. Et ça, c'est bien vrai. Tu me donnes envie de vivre et moi qui... Les Kids United, nouvelle génération, l'hymne de la vie. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh, vous, enfant de lumière, suivez-moi. Des gens heureux, un couple que je vous laisse découvrir. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter. Première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Un arbre dans ton petit jardin de banlieue. chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient te chanter. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Eh oui, on peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer du taulier, le bon vieux temps du rock'n'roll, un peu masterisé, mais tout de même. jazz, que Dieu me pardonne. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Pour ne pas te laisser, tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin, je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Tina Arena avec Aimer jusqu'à l'impossible. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours et puis s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer. Les mensonges salissent tout. Je vais tout sombrer sous la colère comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. C'est possible. J'ai vu mes châteaux en Espagne, ce que j'ai bâti disparaître sous les flammes de la jalousie. C'est une douleur sans égard. Yeah. Et on termine, cette émission avec Jazz et Jennifer, la tendresse. Eh oui, la tendresse, c'est même le dimanche. On peut vivre sans richesse, presque sans un sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long. Le temps vous paraît long. Mais c'est les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable. Et dessus. Alors sans la tendresse, un cœur qui nous soutient. Non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Voilà, c'est terminé. Je vous aime, je vous embrasse et à très très bientôt sur le 91 et 102.5 de Sorgue FM.